llévate de aquí a madre. Oye, que le pude leer y con la manía. Come toche bimbo. Nata ban pinyo male toche bimbo. Kuma kuru ni pinyo male toche bimbo. Dabala kore kala ni pinyo male toche bimbo. Kuma kono gula bara jojombo. Thank you. Yeah. appelle l'unité africaine. accepté dans son vaste royaume. Tous les peuples qui luttent contre l'effort d'aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'air. Africa, ouais!